chaque chapel est quoi faillot, chaque l'église est prête faillot, chaque maison est mon faillot, chaque aviateur est avia faillot, tout chapel est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait pour coucher dormir, tout aviateur a boué bouillosou. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Sans façon pour démontrer, pas grand sérieux pour collaborer. Chaque chapel est un quoi paillot, chaque l'église est un prêtre paillot, chaque maison est un monde paillot, chaque aviateur est un avia paillot, tout chapel est un même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait pour coucher dormir, tout aviateur a boué bouillosou. Sans façon pour démontrer, pas grand essayer pour collaborer. Sans façon pour démontrer, pas grand essayer pour collaborer. Pas grand essayer pour collaborer. Pas grand essayer pour collaborer. Pas grand rien sérieux. Tout chapelet est même prié. Et même prié. Il te met rouge. Il te met jaune. Il te met noir. Tout est même prié. Quoi faire ta vie même. C'est toujours même soi. Pas jamais l'autre sou. Pensez que vous avez divisé soi. Parce que ça a rond. Ça a éclairé. Tout c'est même soi. Pas de différence dans le sou. Parce que pensez que vous avez rien de rond. Yo remè wòm. Yon lòt seri pa remè wòm. Paske dou wòm nan ap chofe radiatè yo. Bon seri remè klerè. Paske dou klerè se rafreshi. Bon lòt kalite men sa avèk siv. Yo bwèl klerè. Avèk lay yo bwèl. Pa kan yon seri. Epi yon sel vèkèm konè. Te koutan de kwa kap de ou lon kote. Boutè paritate. Te mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Mache boutè. Boutè paritate. Mache boutè. Pa kan yon seri. Pa kan yon seri. Bye.